pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, plein de belles nouveautés, à commencer par The Strubs, qui nous arrive avec un nouvel album studio. Moi, je pensais que le groupe avait accroché ses patins après Ferryman's Curse, mais non, un nouvel album studio, leur 24e, sauf erreur, qui a pour titre Settlement. Autre retour, et là vraiment mémorable, Asia Minor, qui 40 ans après Between Flesh and Divine, nous arrive avec un nouvel album 40 ans après Point of Liberation. Sonus Umbra, un nouvel album aussi. Et on va conclure avec Odessa, groupe italien qui prépare un album. Et on retrouve au sein de ce groupe le batteur Marco Fabri. Et oui, pour plusieurs, ça évoque The Watch. Et Marco jouait aussi sur The Final Day de Odessa qui est paru en 2009. Donc, c'est pas un nouveau venu. On y va donc, nous, avec The Strubs, un extrait de Settlement. There comes a time when every settlement is due. No compromise, no other point of view. There comes a time when no one ever takes the blame. No sentiment, whoever's in the frame. Strapped down in a cold town, trying to pay the rent. What the masterminds are selling you is heaven sent. With nobody. Nobody. exaltation is a lie. No double deals, no more humble pie. There comes a time when retribution is the key. No change of mind, whatever is will be. Chaos in the system makes the stomach churn. For the charlatans are selling you, it's crash and burn. Bring around the rules when nobody's fools. shape songs and daughters and the things to come. Bonsoir, ici Luis Nasser de Sonosumbra et j'ai le plaisir de vous présenter Anti-Identity, une pièce de notre album A Sky Full of Ghosts. Thank you. Salut tout le monde, je suis Lorenzo Giovagnoli, claviériste et chanteur du groupe italien Odessa. Vous êtes en train d'écouter Terra Incognita et je suis fier de vous présenter le nouveau single d'Odessa qui s'appelle L'Alba della Civiltà. Thank you. Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. On va poursuivre avec un second extrait de Asia Minor de leur nouvel album Points of Liberation, un disque qui paraît 40 ans après leur dernier disque. Et aussi, ça sera suivi de Straubs, un autre extrait de Settlement. Et je vous propose aussi un second extrait de Sonus Umbra, A Sky Full of Ghosts. Et on va conclure ce bloc avec un tout nouvel album de Ravensad, la formation italienne, qui nous propose The Leaf and the Wing, quatrième album, et ça faisait, dans le cas de Ravensad, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas présenté d'album, le dernier en date étant Layers of Stratosphere. Le groupe est encore géré par Samuel Santana, et on retrouve un nouveau chanteur en la personne de Gabriele Marconcini. Et on y va, nous, avec Asia Minor, Points of Liberation. You sat very still, listening until evening came. I saw standing still shades of nightfall in your eyes. Scarlet Ring. dressed in white satin, taking away the mask of her face. Loneliness of no outside contact, feelings of heavy-hearted pain. A glass of champagne to leave, fears away to live, heart is away. Thank you. Bonsoir, ici Luis Nasser de Sonos Umbra. Vous écoutez présentement Terra Incognita, la référence progressive de Québec. Last night, the searing of my

Autre nouveauté qui nous vient de Norvège, la première pièce, premier extrait de Kali Gonot. Ça, c'est le projet d'un guitariste norvégien qui a notamment joué sur le disque False Memory Archive de Oak. Et le titre de l'album, c'est Magnified as Giant, mixé par Lars-Fredrik Frosley de Wobbler. Et puis, d'ailleurs, il chante et joue des claviers sur la pièce qu'on va entendre. On reste en Norvège par la suite avec Tus Mork de l'album Nordisk Krim, le plus récent. Après ça, ouais, on a une petite nouveauté québécoise, un groupe qui a pour nom Arrivals, et c'est le projet de deux musiciens québécois, Gaëtan Bouchard et Yann Chouinard. Ils ont l'intention de présenter bientôt deux EP sur des plateformes de streaming, donc en attendant, vous pouvez l'écouter sur Terra Incognita. Arrivals, ce sera suivi de Raven Sad de Leaf and the Wing, nouveauté. Et une autre nouveauté qui nous vient du Royaume-Uni, Simon McKechnie. L'album a pour titre Rétro. Et on y va avec cette nouveauté norvégienne, Kali Gonot. Horizons of white snow touch the mirror cracked sky. Sweet rustling of leaves keeps the mind at ease. Feet comes to a halt as the sun drops in the river. Here my God is shed, open to the visions in my head. Cause in this dark I remember you and I, and the spark we followed way up high. Magnified as giants, we survive. A pure but distant glow in the stars that meet my eye. Will this pure heart last, or again to see the shadow? I never meant you harm, still it all was said. But in this dark I remember you and I, and the spark we followed way up high. Magnified I'm horizons of white snow touch the mirror cracked sky, a pure but distant glow. In the stars that meet my eye, nothing left unsaid. Here the spirit is delivered, no more things to dread. A quiet watershed. 'Cause in this dark I remember you and I, and the spark we followed way up high, magnified as giants. Dream of new life that would open our eyes. we can hear a guiding star that we'll appear. Say the word, he wanders. Say the word, he wanders. Dreamers awakening.

We'll be right back. C'est déjà le temps de vous quitter. Je vais vous laisser avec un artiste brésilien malheureusement décédé en 1986, Marco Antonio Araújo. C'est un extrait de son tout premier album paru en 1981, Influenzis. Malheureusement décédé d'un anévrisme, le monsieur était vraiment talentueux. 4 albums. Et puis, à découvrir si jamais là, vous êtes intéressé par ce qui se passe un peu au Brésil ou ce qui s'est passé. Donc, 1981, Marco Antonio Araújo. Je vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute. Et évidemment, comme d'habitude, je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Écoutez, bonne nuit à notre antenne et revenez-nous la semaine prochaine. Thank you. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. Le Quartier des Arts de Québec vous invite à découvrir le nouveau parcours Lumière sur l'art sur l'avenue Cartier, créé par le duo d'artistes Pierre et Marie. Sous le thème « Les paysages révolutionnaires », le duo a décidé d'en faire une véritable célébration du merveilleux. Avec ses décors inventés, peuplés de curieux personnages, ses mises en scène ludiques et improbables, ses natures mortes bricolées. Un projet rendu possible grâce à la Société de développement commercial de Montcalm, au Musée national des beaux-arts du Québec et à la Ville de Québec. Pour plus d'informations, visitez quartierartquebec.com. À découvrir sur la fabrique culturelle. Je m'intéresse beaucoup au système d'interaction qui se crée entre les installations que je mets en espace puis l'architecture des lieux de diffusion. L'artiste en art visuel Annie Charland-Thibaudeau transforme la pierre pour mieux raconter le territoire. Je pense qu'on cherche tous à créer des espaces ou appartenir à des espaces, puis ça se traduit toujours d'une façon qui est différente d'une personne à l'autre. Mais pour moi, ça s'affranchit beaucoup par la rencontre. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Prépare-toi, Québec. Cette année, le Mois Multi t'a concocté une édition principalement en ligne, mais pas que. On te promet 11 jours de festivités intenses. Une quinzaine de performances, des rencontres avec les artistes, un party sans relâche. Du 4 au 14 février, tu ne veux pas manquer ça. moimulti.org. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas? Ben, je prends l'autoroute